You play a wonderful groovy bass this evening, Sharon. You are a wonderful but very old woman, Sharon. You play a wonderful bass tonight.

Aucune coordonnée axiale, pas de rapport précis. Si ça continue, il va surcharger ses générateurs. Capitaine Kirk, Capitaine Kirk, Capitaine Kirk, Capitaine Kirk. Spock à l'Enterprise. Capitaine Kirk, coefficient d'accent. Sa provenance, monsieur Spock. Difficile à dire, capitaine. Sa provenance, monsieur Spock. Difficile à dire, capitaine. Aucune coordonnée à l'accent. Si ça continue, il va surcharger ses générateurs. Il pousse beaucoup trop. Il pousse beaucoup trop ses moteurs, monsieur. Il change encore de route. Il doit savoir que nous le poursuivons, capitaine. Gardez bien le contact, monsieur Solo. Monsieur Solo. Communication. Capitaine Kirk. J'ai vérifié toutes les fréquences, je crois qu'il refuse de s'annoncer. Je vous servir un apéritif. Capitaine Kirk, vous voulez un apéritif? Allez, c'est parti. Petit Ricard, Capitaine Kirk. De météor, Capitaine Kirk, vous avez picolé. Densité forte au manomètre. Défecteur. Comme en dégageant. Ça bourre, Capitaine Kirk. Comme en dégageant. La magnifique. Bon, allez, je vous laisse. La il va essayer de s'échapper. Oui, oui, mais c'est la communication. La marée, ça va y aller. Je l'ouïe. Yo, Farabi, j'allons marrer. Yo, la balaoui. Yo, un paquet de l'air à la vie. Faut la sur la voie. La boule de meuille. Quand la magasin, on la magasin. C'est magnifique, magnifique, le bang à bouddha, méga full, méga molosse, malabé, polami, malafoui, malafoui, malafoui, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, malabé, Magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. On pitch it back, it's magnifique, la fin de la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la v